Vous n'êtes pas bavarde. J'aime beaucoup ça. Je n'aime pas les filles qui parlent trop. Je ne vous ennuie pas. Oh, vous n'êtes pas bavarde. Vous n'êtes pas bavarde. Est-ce que Mireille est bavarde ? Non, elle n'est pas bavarde. Vous avez une très jolie jupe. Tenez, je vais vous dire d'où elle vient. Je ne me trompe jamais. Alors, ces boutons, ces poches, ça, ça vient de chez Dior. Ces boutons ne viennent pas de chez Dior. Alors, ils viennent de chez Fat. Non. Alors ils viennent de chez Lanvin. De chez Saint-Laurent. De chez Cardin, de chez Courrèges. De chez Givenchy. C'est joli. Je m'habille toujours après Jenny. Elle est ravissante quand même. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Jean-Pierre. Jean-Pierre Bourdon. Mireille se lève et s'en va. Vous avez une très jolie jupe. Vous avez une très jolie jupe. Comment le jeune homme trouve-t-il la jupe de Mireille ? Très jolie. Alors, ces boutons... Cette poche... Ça vient de chez Dior. Ça vient de chez Dior. Prise unique. Je m'habille toujours à prise unique. Je m'habille toujours à prise unique. D'où vient cette jupe ? Est-ce qu'elle vient de chez Dior ? Non, elle vient de prise unique. Oh, elle est ravissante quand même. Elle est ravissante. Elle est ravissante quand même. Quand même. Elle est ravissante quand même. Je m'appelle Jean-Pierre. Je m'appelle Jean-Pierre. Mireille se lève et s'en va. Elle se lève et s'en va.